إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فمررنا مر الكرام على حق الله على عباده، وبتحقيق حق الله سبحانه وتعالى. يقوم المسلم بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والآن مع حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتحقيق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق المسلم الطرف الثاني من الشهادة، وهو شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc nous avons fait un tour rapide sur ce qui concerne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en accomplissant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman accomplit une partie de son attestation de foi, ni digne d'être adoré qu'Allah. Et maintenant, avec le droit du prophète alayhi salatu salam, et en accomplissant ce droit de notre messager alayhi salatu salam, le musulman accomplira la deuxième partie de cette attestation de foi, qui est Muhammad et le serviteur et le messager d'Allah alayhi salatu salam. كان الناس قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام في ضلال مبين، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الناس كانوا في ضلال مبين قبل بعثة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظن أن فود محمد عليه الصلاة والسلام les gens étaient dans un égarement total. Ils sont dans une perdition totale. Comme Allah سبحانه وتعالى nous l'a annoncé dans le Coran. Il est dit dans le verset dans sourate Al-Jumu'ah. C'est lui, c'est-à-dire Allah, qui a envoyé chez les illettrés un messager qui leur récite les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui les purifie et qui les nettoie des mauvais comportements, les purifie des mauvais comportements et de l'associationnisme et du mal, et qui leur enseigne le livre et la sunna, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement total. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire sur la situation du monde au moment où il a envoyé Mohammed alayhi salatu salam, comme quoi ce monde était dans une perdition totale et dans un éclatement total et dans un égarement total. فالله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وبعثه بالنور فأخرج البشرية بإذن ربه من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات البدع والخرافات إلى نور السنة. فالله سبحانه وتعالى أنفوي سو ميساجي avec le fait la bonne œuvre et la religion véridique. Il l'a envoyé avec la lumière pour sortir l'humanité des ténèbres vers la lumière, pour les sortir des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi, et sortir des ténèbres de l'associationnisme vers la lumière du monothéisme, des ténèbres de l'ignorance vers la lumière du savoir, et des ténèbres de l'innovation et des histoires à dormir debout vers la lumière de la sunna. قال تعالى قد جاءكم من الله نور النور هنا كما قال الطبري رحمه الله وغيره ومحمد عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم من يقول هو القرآن كذلك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وهديهم إلى صراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى يبين في الآية أن بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم نورا ليخرج الناس من الظلمات من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. والله سبحانه والذي اتبع طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم يهديه الله سبحانه وتعالى لطرق الخير ويسر له طرق الخير. والذي يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الصراط المستقيم. لأن الله عز وجل ينسي الله سبحانه وتعالى أن يذكري notre message عليه الصلاة والسلام dans le Coran. Il dit vous êtes arrivé d'Allah عز وجل, vous êtes arrivé d'Allah سبحانه وتعالى une lumière. Ici la lumière, comme l'a dit Ibn Jarir Tabari et d'autres, c'est Muhammad عليه الصلاة والسلام. D'autres ont de science disent c'est le Coran aussi. Et donc il vous est arrivé min Allah une lumière, c'est-à-dire ce messager a été envoyé comme lumière et un livre clair. Allah subhanahu wa ta'ala avec cette lumière, avec l'envoi de ce messager, guide les gens vers les voies qu'il a grillées, vers les voies du bien. Il les sort par l'intermédiaire de l'envoi de ce messager des ténèbres vers la lumière. Il les sort par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala des ténèbres vers la lumière. Et il les guide vers la voie droite. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. Et ce messager, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec ce message. Et ce messager a honoré ce message. Et il a accompli, comme il se doit, ce dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, cette amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il l'a accompli comme il se doit. Et il a conseillé la communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dissipé avec les nuages de la tristesse avec l'envoi de ce messager. Et ce messager a combattu pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la dernière minute de sa vie, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait pris son âme, alayhi salatu wassalam. Il a laissé cette communauté sur une voie claire. La nuit et le jour sur la voie du messager alayhi salatu wassalam sont identiques dans leur clarté. Ne dévier de cette voie que celui qui cherche sa perte, que celui qui veut s'égarer. Et celui qui cherche la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là qui va dévier de la voie de ce messager alayhi salatu wassalam. Wa lidhalika amtanna Allah subhanahu wa ta'ala lil mu'minina bi bi'tati Muhammadin alayhi salatu wassalam. Qala ta'ala laqad manna Allah 'ala al mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim wa fi qira'atin min anfasihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فهذه منة من الله وفضل من الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من أشرفهم ومن أنفسهم أي منهم يعرفونه ويعرفون نسبه ومن أخيارهم كما قال عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آيات الله سبحانه وتعالى ويبين لهم آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والآيات المتلوة القرآن الكريم ويزكيهم من الشرك يزكيهم من سوء الأخلاق ويعلمهم الكتاب أي القرآن ويعلمهم الحكمة أي السنة وإن كانوا من قبل لا في أي قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كانوا في ضلال مبين ضلال واضح ها؟ القوي يأكل الضعيف ها؟ والبنت تدفن حية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ها ماذا تولي وجهه كحل ظل وجهه مسودا فكان هكذا كانوا في جاهليتهم وكانوا في جاهليتهم أنهم يخرجون في القوافل وفي كذا فإذا نسي أحدهم أن يأخذ أحجارا من مكة ها فكان ماذا يأخذ يأخذ العجوة هذه التمر فيصنع به إله ها فيعبده في أول النهار فإذا جاع في آخر النهار أكل إله هذا الانحطاط الذي وصلوا إليه في قبل بعثته الذي كانوا فيه قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إنسان هذا له عقل في أول النهار يصنع إله من ثمر وفي آخر النهار يأكله في أول النهار الأحجار التي أخذها من مكة يجعلها للقدر لكي يطبخ ما يأكل يطبخ ما يأكل وفي آخر النهار يعبدها ها إلى هذا الانحطاط وصلوا وإلى هذا التردي ها وكانوا في هذا التردي فمن الله سبحانه وتعالى ببعثة هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام وفعل الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أكمبلي لكويون par l'envoi de ce message عليه الصلاة والسلام comme il est dit dans le verset الله سبحانه وتعالى أكمبلي لكويون par l'envoi du messager qui fait partie d'eux ou là qui fait partie des meilleurs d'eux dire sa descendance est la meilleure des descendances de Quraysh hein? Dans une lecture il fait partie d'eux c'est-à-dire ils le connaissent ils connaissent sa descendance etc sa généalogie etc ou alors il fait partie dans une autre version de la lecture il fait partie des meilleurs hein? Des meilleures familles de la meilleure des familles qui existent en eux et donc pourquoi pour leur réciter les versets d'Allah et pour leur parler des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour les purifier des ténèbres, les purifier de l'associationnisme, du mauvais comportement, hein? Et pour leur apprendre le livre et la sunna, le Coran et la sunna, alors que auparavant ils étaient dans un égarement clair. Et l'égarement dans lequel il était, le fort grignote le faible. Il le mange, il le dévore, hein? Il lui prend son droit. Quand à quelqu'un on annonce la naissance d'une petite fille, il ne sait plus où mettre sa tête. C'est un déshonneur pour lui. Il va l'enterrer vivante. Il nous montre aussi la bassesse et le déraisonnement dans lequel ils étaient et l'égarement total et clair dans lequel ils étaient que des gens. Ah, tu les prends quand tu les vois, tu les prends pour commandant de l'armée. Ils prennent au début de la journée, quand ils errent, soit dans le désert, soit avec des caravanes commerciales ou autres, et qu'ils ont oublié de prendre des pierres pour constituer leur statue à adorer. Ils prennent des dattes fraîches et les façonnent à la forme de la divinité. Ils les adorent au début de la journée. Et à la fin de la journée, quand ils ont faim, ils avalent leur divinité. Ils sont arrivés à ce point-là. Et quand ils prennent ces pierres pour constituer leur divinité, etc., au début de la journée, ils prennent ces trois pierres et les utilisent comme cuisine pour faire cuire leur nourriture. Et à la fin de la journée, ils l'adorent. Hein? Ils mettent une pierre sur une autre, etc., pour avoir le symbole de leur divinité pour l'adorer après. Ainsi ils étaient. Dans cette bassesse, ils étaient. Et avec l'envoi de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, alayhi wa sallam, ils sont sortis de ces ténèbres et de... فهذا الرسول الذي أنقذ الله سبحانه وتعالى به الإنسانية ومن الله به سبحانه وتعالى على هذه الأمة له حقوق له حقوق علينا يجب أن نحققها في حقه صلى الله عليه وسلم ce message عليه الصلاة والسلام avec lequel الله سبحانه وتعالى a honoré l'humanité avec lequel il a honoré les croyants qui l'ont suivi Ben il a dit droit, nous devons nous acquitter de certains droits vis-à-vis de ce messager alayhi salatu wassalam. Min huquqi alayna alayhi salatu wassalam أن نحب أكثر من أنفسنا وأهلنا والناس أجمعين. Il fait partie de ces droits duquel nous devons nous acquitter, c'est de l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos femmes, plus que nos enfants, plus que ce monde et ce qu'il contient. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم. لا يؤمن أحدكم أي لا يكون عنده إيمان كامل، ها مؤمن ولكن ليس عنده الإيمان كامل، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, hein, une personne parmi vous n'aura pas la foi complète. Il est croyant. Il n'aura pas la, il atteindra la foi complète quand il m'aimera plus que ses enfants, plus que ses parents, plus que tous les gens. Ça veut dire, si on n'aime pas, on ne met pas l'amour du prophète alayhi salatu wasalam au devant de nos parents, au devant de nos femmes, au devant de tout ce que ce monde et ce qu'il contient, nous n'avons pas atteint la foi complète. On est des croyants, mais on n'a pas atteint la foi complète. Hein? Donc si on veut avoir la foi complète, c'est qu'on l'aime plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que nos femmes, plus que tout, hein? Tout ce qu'il y a dans ce monde. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما جاء عند الإمام البخاري رحم الله أئمة المسلمين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك ففكر عمر رضي الله عنه ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر عمر وما أدراك ما عمر إذا سلك الشيطان طريقا سلك الشيطان طريقا آخر ها؟ ومع ذلك انظر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحب أحبك كثيرا ولكن أحب نفسي فوقك فقال لا لا أي حتى تحبني أكثر من نفسك فاستجاب عمر في الحين فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي هكذا كانوا رضوان الله عليهم فهم القدوة وهم الأسوة وجعل الله سبحانه وتعالى طريقهم طريقا أن تأخذ طريقهم واجب علينا الأخذ به طريق صحابة رسول الله Et regarde maintenant cet exemple que nous donne Omar al-Khattab رضي الله تعالى عنه وارضاه Un jour devant le prophète عليه الصلاة والسلام comme il est rapporté chez l'imam al-Bukhari il dit oh messager d'Allah Je t'aime plus qu'autre chose sauf moi. C'est-à-dire, je m'aime moi, mais toi, je t'aime plus qu'autre chose. Mais l'amour de mon moi propre, de ma personne propre, passe avant ton amour. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, lui a dit, non, par celui qui tient mon âme entre ses mains, jusqu'à ce que je sois, hein, que tu m'aimes plus que toi-même. C'est-à-dire que tu vas atteindre la foi complète quand tu m'aimeras plus que toi-même. Omar ibn al-Khattab a pris un laps de temps. Il lui a dit, maintenant, ya Rasulallah, je t'aime plus que moi-même. Il lui a dit, maintenant, ya Omar. C'est-à-dire, maintenant, tu as atteint la foi complète. Maintenant, tu y es. Hein? Et qui c'est Omar ibn al-Khattab? L'homme duquel a dit Rasulallah, c'est contre Omar ibn al-Khattab. Prend une ruelle, Shaitan ne passe pas par ce chemin où il passe Omar ibn al-Khattab. Hein? Et regarde la rapidité à répondre à ce que dit le prophète alayhi salatu wasalam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait obligatoire de prendre leur chemin et de prendre leur voie, que ce soit dans les croyances, que ce soit dans la mise en application de cette religion, la compréhension à tous les niveaux. Hein? كيف لا يكون كذلك والله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي النبي أولى بالمحبة من نفسك التي بين جنبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الصراط المستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الجنة، نفسك تدعوك إلى الهوى، نفسك تدعوك إلى المعصية، نفسك تدعوك إلى الهلاك، نفسك تدعوك إلى طاعة الشيطان وإلى معصية الرحمن وإلى اتباع الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى طاعة الله، يدعوك إلى رضوان الله، يدعوك لكي تفوز في الدنيا وفي الآخرة. Et ça ne peut pas être autrement, frère en Allah, Azzawajal, parce que, il est dit dans le verset, le prophète, hein, c'est ce que les croyants doivent aimer plus qu'eux-mêmes. Le prophète, les croyants doivent l'aimer plus qu'eux-mêmes. Ils doivent mettre leur amour au-devant de leur amour propre. Tu dois aimer le messager alayhi salam plus que ton ego, plus que toi-même. Pourquoi ? Simple. Le messager alayhi salam, il t'appelle vers le paradis, vers l'agrément d'Allah. Il t'appelle vers le fait d'obéir à Allah, vers le fait d'avoir le gain des deux mondes, vers le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. Ton nefs t'invite à suivre les passions, t'invite à la débauche, à la fainéantise, et par cela à l'obéissance à Shaitan. T'invite à la malédiction d'Allah, t'invite au chemin qui vont te prévaloir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que nous devons aimer Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes. Hein? Wa qala al-Mustafa alayhi salatu wa salam fi ma akhraj al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim thalathun man kunna fihi wajada bihi an-halawata al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله سبحانه وتعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث صفات من كانت عنده داق حلاوة الإيمان. أهل الإيمان حلاوة؟ نعم أخ الإسلام، للإيمان حلاوة. يقول أهل العلم حلاوة الإيمان أن الإنسان إذا كان في طاعة لا يريد أن يقطعها، وإذا قطعها يريد أن يرجع إليها أو إلى طاعة أخرى. هذه حلاوة الإيمان، أن الإنسان طاعة الله وطاعة الرسول لا تثقل عليه، لا تكون ثقيلة عليه أبدا. هذه حلاوة الإيمان، وأن أوامر الله لا يستثقلها، وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه يكون عنده شيء هين، شيء سهل يتركه. ها؟ وكيف تنال؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الأصل حب الله، ويتبعه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، أكثر من هذه الدنيا وما فيها، أكثر من نفسك التي بين جنبيك. وكذلك إذا أحببت شخصا أن تحبه لله، فإذا كانت محبتك لشخص لله دامت واتصلت، وما كان لغير الله لا يدوم. ترى ناس 30 سنة 40 سنة وهم هكذا، عندما تبحث في العلاقة تراهم أنهم مجتمعين لله ومتحابين لله، وترى البعض يلتقي وتراهم شهر شهرين يدخل بعضهم عند البعض وهم لا يفترقون كالإخوة، وبعد شهر أو شهرين أو عام ينقضي كل شيء. فإذا بحثت عن الأمر تكون هذه تجارة كانت بينهم أو مصلحة دنيا، فانقضت المصلحة فانقضت العلاقة. أما ما كان لله فهو يدوم ويتصل. وما كان لغير الله ما يدوم، ما كان للمصلحة أو غيرها فلا يدوم. وأن يكره الإنسان، الصفة الثالثة أن يكره الإنسان يعود. إذا أنقض الله سبحانه وتعالى عبدا من الكفر يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ها؟ فالذي كانت عنده صفة من هذه الصفة يذوق حلاوة الإيمان، خاصة حب الله وحب رسول الله. ها؟ من أعظم يا حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحب شخصا يحبه لله، وإذا انقذه الله سبحانه وتعالى من الكفر يكره أن يعود فيه. Notre prophète عليه الصلاة والسلام, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, رحمه الله تعالى, il a dit trois qualités. Quand quelqu'un il les a, il goûte le goût exquis de la foi. La foi a un goût, oui. Les hommes de science disent le goût exquis de la foi, c'est quand quelqu'un il accomplit une obéissance ou un acte d'adoration, mais il n'a pas envie de le quitter. Et quand il les quitte, il a envie tout de suite d'aller refaire un autre, et d'aller vers une autre obéissance, etc. Et quand il est en face des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas lourds pour lui. Et quand il est en face des choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, bah, c'est facile pour lui de les délaisser, tranquille, ça coule de soi. Il a cette aisance. Dans la mise en pratique et dans l'abstinence, il a l'aisance tranquille. Il les fait sans que ça soit lourd pour lui. Hein? Tout ce qu'il fait au niveau des adorations, etc., il les fait sans que ça soit lourd pour lui. Et il n'a pas envie de quitter un acte d'adoration. Et quand il le quitte, il veut revenir ou il cherche un autre acte à accomplir. Pour arriver à ce stade-là, Rasulullah nous a montré trois choses qu'il faut avoir. Hein? Bon, c'est que tu aimes Allah et son messager plus que ce monde et ce qu'il contient. Donc l'amour d'Allah et l'amour du messager alayhi salatu wassalam. Elle est la première. L'une des trois. Et c'est la plus importante. Hein? Que tu mettes l'amour d'Allah et l'amour de son messager au-dessus de tout. De toi-même, de ta femme, de ce monde et ce qu'il contient, etc. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour Allah. Et je te donne un exemple. Regarde, frère, on a Allah, il y a des personnes, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont très d'entre eux, etc. Et la relation a duré. Parce que leur relation, quand tu cherches, il est faite pour Allah. Ils s'aiment pour Allah, ils s'unissent pour Allah, etc. Ils s'allient pour Allah. Tu as des personnes qui nous voient, ils s'unissent pour un mois, deux mois, un an, etc. Et tout d'un coup, pendant un mois, ils n'arrêtent pas, ils sont tout le temps ensemble, ils voyagent ensemble, ils sont dans leur maison ensemble, etc. et tout. Et au bout d'un mois, ou trois mois, ou un an, tout se lâche. Il n'y a plus rien. Comme si cette relation n'a pas existé. Et quand tu vas chercher, tu retrouves derrière ça qu'il y avait un intérêt commercial, ou une transaction commerciale, ou autre, quelque chose pour ce bas monde. Donc tout ce qui est pour Allah dure, et tout ce qui est fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne durera pas. Hein? Au moment où cette chose, cet intérêt s'arrête, ça va s'arrêter, la relation va s'arrêter. Et la troisième, c'est que la personne que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvée de la mécréance déteste d'y revenir comme il déteste d'être jeté dans le feu. Hein? Ça, Rasoul nous montre comment acquérir le goût exquis de la foi. Et à la tête de tout ça, le fait d'aimer Allah et d'aimer son messager plus que ce monde et ce qu'il contient. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحبون الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والتجارة والمساكن أكثر من حبهم لله ولرسوله. وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. Et Rasoul صلى الله عليه وسلم nous a averti. Il a averti ceux qui aiment les parents, qui aiment les enfants, qui aiment leurs femmes, qui aiment ceux de leur tribu, qui aiment leur commerce, qui aiment l'argent, qui aiment leur maison, etc. Plus qu'Allah et son messager, il les a avertis. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تحذير، تحذير من الله سبحانه وتعالى من حب الآباء والأزواج والتجارة والمسكن أكثر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حب الأولاد شيء طبيعي، حب الزوجة شيء طبيعي، ها تحب ما تملك هذا شيء طبيعي، ولكن يجب أن يكون حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل هذا. Et donc, il est dit dans le verset, dis-leur, ya Muhammad, c'est vos parents, vos enfants, vos frères, vos femmes, ceux, vos proches, ceux de votre tribu, la fortune que vous avez amassée, le commerce dont vous avez peur, la faillite, des maisons et des résidences que vous agréez, ceci, vous l'aimez plus qu'Allah et son messager, et un combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, attendez-vous alors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les pervers, ne guide pas le fasiqoun, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un avertissement qui nous vient directement d'Allah azza wa jal, pour que ce monde et ce qu'il contient, on l'aime pas au-dessus d'Allah subhanahu, on le met pas au-dessus de l'amour que nous devons avoir pour Allah et pour son messager. C'est naturel que tu aimes ta femme, tout à fait normal, que tu aimes tes enfants, que tu aimes le bien, que tu aimes, etc. Mais tout ceci doit passer après l'amour d'Allah et après l'amour du messager alayhi salam. وَضَرَبَ لَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ أَمْتِلَةً رَائِعَةً بحب النبي صلى الله عليه وسلم. Et les nobles compagnons radhiyallahu anhum, dont le chemin est obligatoire pour nous, nous ont donné les meilleurs des exemples dans l'amour de ce messager عليه الصلاة والسلام. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يودع أمته على المنبر ويقول لهم إن الله خير عبدا بين أن يخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر بكاء شديدا وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. والحديث عند إمام البخاري، هذا الخبر عند الإمام البخاري. وقاعد يسونوب ليكزومبل كو ندون ها le véridique de la communauté humaine après les prophètes alayhi salatu wassalam. Qu'on déplaise à Rafida, qu'on déplaise à ceux qui l'insultent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans leurs veines. Abu Bakr Siddiq ridwanullahi alayh, il entend Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix à un serviteur pour qu'il soit éternel dans ce bas monde, de choisir entre l'éternité dans ce bas monde et entre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Et ce serviteur a choisi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve. Hein? Abu Bakr Siddiq a capté le message que c'était la fin de la vie du messager alayhi salatu wassalam. Il a pleuré à tel point que les compagnons de l'autre côté disaient pourquoi il pleure? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un serviteur qui a reçu le choix min Allah et lui il pleure. Et il a dit, radiyallahu anhu wa ardah, nous sacrifierons nos parents, nos mères pour toi, ya Rasulallah. Hein? Vous voyez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme ami intime à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme compagnon pour l'immigration. Et qu'il a fait de lui le premier khalifa de cette communauté. Qu'on déplaise à Rafida. ولما حاول عروة بن مسعود ممثل الكفار في صلح الحديبية أن يلمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم معه ضرب الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يده بنصل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا ترجع إليك. والخبر عند الإمام البخاري. أخر يدك عن لحية رسول الله وإلا غادي نقطع عليك، ما باقيش تقول لك كيد ولا تحلم بها باقي. فقط أراد أن يضع يده على لحية رسول الله. يكونت عروة بن مسعود le représentant des mécréants pour la signature du pacte d'Al-Hudaybiyya a voulu toucher la barbe du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'il parlait avec le prophète alayhi salatu wassalam, le noble compagnon, le Mughira ibn Sha'ba, il a tapé sa main avec le fourreau de son épée. Il lui a dit, retire ta main de la barbe du prophète alayhi salatu wassalam, sinon ta main ne te reviendra plus. C'est-à-dire, tu ne vas plus rêver avoir cette main. Tu la remets encore sur la barbe du prophète alayhi salatu wassalam, tu ne l'auras plus comme main. Tu vas la perdre. Ainsi, ils n'aimaient pas qu'on ne touche rien du prophète alayhi salatu wassalam. ولما رجع عروة بن مسعود إلى كفار مكة قال لهم أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قصر قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضع كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وهذا صحيح كذلك عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى كنت عروة بن مسعود Il est revenu vers les mécréants de la Mecque. Il leur a dit, ô peuple, par Allah, je n'ai pas vu. J'ai été chez les rois, j'ai été chez les empereurs, César, Caïsar, le Négus. Et par Allah, je n'ai pas vu un roi. Je n'ai pas vu du peuple donner de l'importance à un roi comme la donnent les compagnons de Mohammed à Mohammed, alayhi salatu wassalam. Par Allah, quand il envoie un molar, un parmi eux essaie de celui qui l'attrape, il se frotte les mains avec, il se frotte son corps avec. Par Allah, quand il fait son odo, il se bouscule pour avoir de l'odo et pour bénéficier de la bénédiction du prophète. Ceci était permis durant la vie du messager. Et quand il parle, tout le monde se tait. Tout le monde se tait, personne ne lève la voix devant lui. Et ils ne se remplissent pas le regard. Ils ne remplissent pas leurs yeux avec le regard du prophète. Ça veut dire qu'ils baissaient les yeux. Et certains compagnons ne peuvent pas te décrire comment il est le prophète. Ils étaient réjouis quand il y a eu l'immigration du prophète et qu'il y a eu la description du prophète par cette femme qui les a accueillis sous sa tombe, sous sa tente. Cette femme, elle ne savait pas. Ben, il a décrit le messager alayhi salatu wassalam d'une grande description. Alors que certains compagnons ne pouvaient pas te le décrire, tellement ils baissaient, ils baissaient le regard, ils ne remplissaient pas leur regard, leurs yeux avec le regard sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi ils étaient, par respect de ce messager alayhi salatu wassalam. ويقول عبد الرحمن بن عوف انظر إلى شباب المسلمين ها اليوم انظر إلى غلمان المسلمين ذلك في ذلك الوقت يقول عبد الرحمن بن عوف شبابنا اليوم ها الغوات ها ينهقون في الشوارع يسقط فلان يسقط فلان انظر إلى غلمان المسلمين يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار رضي الله عنهما وأرضاه حديثة أسنانهما فغمزني أحدهما فقال يا عماه أتعرف أبا جهل فقلت نعم وما حاجتك إليه قال الغلام أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سواده أي جسدي سواده أي جسده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، يقول عبد الرحمن بن عوف تعجبت لهذا الأمر، فغمزني الآخر فقال مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت ألا ترياني هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه، فابتدلاه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، قال كل منهما أنا قتلته. والخبر عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. شباب قضوا على فرعون قريش، على أبي جهل، غلمان صغار قضوا على هذا أبو جهل. الآن شبابنا عوض أن يحيوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ينهقون في الشوارع، ينهقون بالشوارع بما يلقنون من هؤلاء العلمانيين وهؤلاء الانتهازيين وهؤلاء المخربة وهؤلاء الخوارج. أين هم من حب رسول الله ومن اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ Regarde, frère, on a Allah Azza wa Jal, voilà la différence qu'il y a, ces petits garçons et notre jeunesse maintenant qui braille dans les ruelles de certains pays comme au Caire, comme en Tunisie, un petit peu partout, qui braille ce qu'on leur inculque, ce que les laïcs leur inculquent, ce que le Khawarij leur inculque, ils le braillent. Ils le crient, ils croient qu'ils sont en train de faire quelque chose, alors qu'ils sont sur des actes qui sont en divergence avec la voix du messager alayhi salatu wassalam. Regarde les petits garçons de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam pendant la bataille de Badr. Et le hadith, il est rapporté chez l'imam Bukhari. Hada Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu wa ardah dit, à un moment donné, on était alignés en rang, comme les a alignés dans son sens, mais tout d'un coup, ils se retrouvent avec un gamin à droite et un gamin à gauche. Le gamin de droite dit, Ya Am, il se tourne, qu'est-ce que tu veux? Il dit, est-ce que tu connais Abu Jahl? Qu'est-ce que tu lui veux, ta Abu Jahl? Je le connais, qu'est-ce que tu lui veux? Il lui a dit, j'ai entendu qu'il insulte le messager d'Allah. Et si je le vois et si je le rencontre, mon corps ne va pas se séparer de son compte jusqu'à ce que le plus rapide parmi nous soit tué. Quand il a terminé, celui de gauche, il lui dit, Ya Am, tu connais Abu Jahl? Il lui dit la même chose. Et tout d'un coup, Abdurrahman ibn Auf reste un laps de temps et il voit Abu Jahl. Il lui a dit, voici l'homme que vous cherchez. Il a dit, ils sont allés directement sur lui. Ils l'ont tué. Et chacun d'eux dit, moi je l'ai tué, l'autre il l'a tué. Alors qu'ils l'ont tué tous les deux. Regardez cette différence entre ces garçons éduqués à l'amour du prophète alayhi salatu wassalam et regardez ce que fait notre jeunesse maintenant. Notre jeunesse crie sur le cop d'un côté, le musulman kada, le laïc, le khariji, le ikhwan et ainsi de suite, tous ils crient. Et où est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam dans tout ça? Où est le suivi du messager alayhi salatu wassalam? Parce que quand on l'aime, on le suit. Et est-ce que ça, ces manifestations et ces révolutions font partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? وهذا صحابي آخر أخذه الكفار في مكة وعذبوه عذابا شديدا وقالوا له وهو تحت التعذيب أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى في أهلك ومالك فصاح فيهم وقال والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومالي ومالي معي عافية ومالي معي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. من هؤلاء يا أخ الإسلام؟ إنهم رجال، إنهم رجال صدقوا الله ما عهدوا عليه. نعم أخ الإسلام، اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، فهم القدوة وهم المثال. Et voici le noble compagnon, notre noble compagnon Ridwanullah alayh, que les mécréants de la Mecque ont pris. Et ils l'ont châtié d'un énorme châtiment. Ils lui ont dit, alors qu'il était sous le châtiment, en train d'être châtié et maltraité, tu n'aimerais pas que Mohammed soit à ta place et que tu sois épargné de tout ça, et que tu sois au milieu de ta femme avec ta fortune et tu es tranquille. Et ils s'écrient dans leur visage, par Allah, je n'aimerais pas être chez moi, au milieu de ma famille, et avec ma fortune, épargné de tout ça, et que Mohammed alayhi soit atteint d'une épine. Une épine, je ne voudrais pas qu'il soit atteint avec. Des hommes, akhal islam, naam, des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la compagnie de son messager alayhi salatu wassalam. Des hommes comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits, ils étaient véridiques avec le pacte qu'ils ont pris avec Allah. Ce sont nos exemples à l'islam. C'est eux qu'il faut voir. Ce n'est pas les docteurs sur la chaîne d'Al Khassira qu'il faut regarder. Ni les prêcheurs de la fitna sur le Khassira ou ailleurs qu'il faut regarder. Haoulaï font la pêche dans le trouble, comme l'ont fait leurs aïeux avant. Mais ce que tu dois voir, ce sont les nobles compagnons de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire que tu suives leur chemin. Compare ce que disent ces docteurs et ces prêcheurs de la fitna à ce qu'a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et à la voie sur laquelle étaient tes nobles compagnons dans l'alim et à ce que disent les hommes de science dignes du nom, les savants dignes du nom, les savants S-A-V-A-N-T-S et non pas les savants de Marseille S-A-V-O-N, ceux-là tu glisses avec. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. Wa fi hada qala qa'ilun asarat quraish musliman famadha bila wajalin ila as-sayyafi sa'aluhu al yurdhika annaka salimun wa laka an-nabiy fidan min al-itlaf fa ajaba kalla la salimtu min ar-radha wa yusabu anfu muhammadin bi-ru'afi. Cela aimait le prophète alayhi salatu wassalam. Cela mettait tout pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il suivait ce messager alayhi salatu wassalam. ولذلك قال ابو سفيان عندما سمع ذلك والله ما رايت احدا يحب احدا كما يحب اصحاب محمد محمدا. Abu Sufyan رضي الله عنه quand il a entendu celui qui a été châtié ce qu'il a dit, il a dit: par Allah, je n'ai pas vu quelqu'un être aimé par ses amis comme Muhammad alayhi salatu wassalam est aimé par ses nobles compagnons. Ridwanullah alayhi. Wa mahabbatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akhal islam tatamattalu fi ittiba'ih wa at-ta'assi bih wa at-tamassuk bi sunnatihi wa suluk manhajih. Al-mahabba laysat bi'id al-mulud وليست بالادعاء، إنما المحبة بالتمسك بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبمنهجه عليه الصلاة والسلام. Aimer le messager عليه الصلاة والسلام, c'est pas une prétention, c'est pas faire des fêtes de mouloud qui n'existent pas dans l'islam, c'est pas des paroles qu'on annonce comme ça, j'aime le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Là, l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est le fait de le prendre comme exemple, c'est le fait de le suivre, c'est le fait de prendre sa voix et d'être conforme à sa voix et à sa sunna alayhi salatu. Ça c'est l'amour du prophète alayhi salatu salam. Qala azza wa jal qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvé. Dis-leur ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi, Allah il vous aimera. Suivez qui akhir islam? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Suivre les idéologues de l'Khassira? Abadan! Les idéologues de l'Khassira, depuis que l'Khassira existe, n'a fait qu'augmenter l'esprit de l'Khawarij chez le commun des musulmans et chez nos parents. L'opinion et notre opinion. Où sont les pays de l'islam? Où sont les gouverneurs de l'islam? L'excitation à la haine contre les gouverneurs. L'excitation et l'appel à la révolte. Quand est-ce que les musulmans vont se révolter? Quand est-ce que les arabes vont se révolter? Ah là, voilà, le feu il est là. Hein? Le feu il est là. Et quand la fitna arrive, qu'est-ce qui arrive? Hein? Pas sur tout, ça brûle tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiya. Hein? Rasulullah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvé avec le fait de suivre le messager alayhi salatu salam. Non les idéologues des groupes. Non les idéologues de ces groupes éclatés. Et de ces khawarij du monde moderne. Et de ces poussins d'Al Mu'tazila qui mettent leur raison avant les textes. Et non de suivre les laïcs. ومحبة الله سبحانه وتعالى هي الأصل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن هذا الأصل فمن أحب الله تعالى أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه عليه الصلاة والسلام et l'amour de Allah سبحانه وتعالى c'est la base de laquelle découle l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام. Et celui qui aime Allah, il aime le messager. Et celui qui aime le messager, il le prend comme modèle et il le suit. قالت اليهود إبراهيم عليه الصلاة والسلام منا. وقالت النصارى إبراهيم عليه الصلاة والسلام منا. كذبهم الله سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين ثم قال رب العزة مبينا أن أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وقال على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمن تبعني فإنه مني ولذلك يقول أهل العلم إن أولى الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام وإن أحب الناس لمحمد عليه الصلاة والسلام هم الذين يتبعونه ويتمسكون بسنته أما الذين يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون سنته وهديه فهؤلاء من أكذب الناس. Les Juifs ont dit Ibrahim fait partie de nous. Les chrétiens ont dit la même chose. Ibrahim nous appartient. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a démonté leur prétention, a montré comme quoi c'est un mensonge. Il est dit dans le verset, certes Ibrahim n'était ni juif, ni chrétien, mais il était monothéiste, musulman, soumis à Allah. Il ne faisait pas partie des associateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire. Moi, ceux qui peuvent prétendre me montrent qui sont ceux qui peuvent prétendre dire que Ibrahim fait partie d'eux. Et il dit dans le verset, ceux qui peuvent prétendre que Ibrahim fait partie d'eux, ce sont ceux qui le suivent. Ceux qui le suivent. Hein? C'est pour ça que les hommes de science disent que ceux qui doivent s'approprier et dire Muhammad fait partie de nous, Muhammad est à nous. Et ceux qui l'aiment réellement, ce sont ceux qui le suivent. Et qui se cramponnent à ce sunnah. Et qui suivent sa voie. Quant à ceux qui prétendent l'amour de Mohammed alayhi salatu salam, ils sont en divergence avec sa voie et avec sa sunnah. Ceux-là, ce sont les pires des menteurs parmi les gens. Hein? Ta'sir Rasoul wa anta taz'oumu hubbahu. هذا لعمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع. أبدا. لا بد أن تدعي المحبة فيجب عليك الطاعة، تدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تطيعه فأنت هذا الدعاء لا بد لك من أن تصدقه باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. Il y a un poète qui a dit, tu désobéis au messager et tu prétends que tu l'aimes. Ceci, c'est mauvais. Hein? Dans l'analogie, ceci est très mauvais. Tu ne peux pas avoir une analogie avec ça. Prétendre aimer Rasoul et tu en désobéissance avec. Quelle analogie tu peux avoir entre ces deux situations? Si ton amour était véridique, tu l'aurais suivi. Tu lui obéirais. Hein? Car celui qui aime, oublie. Hein? فالحب إخوة الإسلام ليس بالاحتفال بالمولد، هذا الذي نسميه ويسميه المغاربة ويسميه المسلمون المولد النبوي، لا أصل له في شرع الله. فما احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده، وما احتلف على أبو بكر بمولده، وما احتفل عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا الإمام مالك رحمه الله. نقول أننا في شمال إفريقيا مالكية، أحتفل الإمام مالك فيه؟ أذكر الإمام مالك هذا في موطئه؟ أنقل عنه وعن تلامذته أنه كان يقول بالمولد؟ أبدا أخ الإسلام. فهذه بدعة عبيدية أدخلها الباطنيون في القرن الرابع. العبيديين هؤلاء كانوا من أفجر الناس، كانوا زنادقة، كانوا كفار، خدعوا المسلمين وعمام المسلمين بادعائهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وبابتداع هذا العيد. وإلا فكانوا يقفون أمام المساجد، وإذا وجدوا جثة كلب صلبوها كالصليب، وإذا أراد السني أن يدخل إلى المسجد يقول سب عثمان وسب صحابة رسول الله حتى يتمكن من الدخول. هؤلاء الذين أدخلوا بدعة المولد على المسلمين مرت 4 قرون 400 سنة لم يعرف فيها مولد، حتى جاء الخبثاء الزنادقة العبيديون الذين ادعوا أنهم فاطميون، يدعون بأنهم من سلالة فاطمة وهذا كذب. أما جدهم فهو يهودي. فهو الله عز وجل مهدي بخوات عليه الصلاة والسلام نسفي با avec ce que le fait de fêter l'anniversaire du Mouloud comme on l'entend dans les pays d'Afrique du Nord et un petit peu partout. La fête du Mouloud n'a aucune origine dans la sunna ni dans la législation. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam n'a pas fêté sa naissance, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni aucun noble compagnon. Les imams de la communauté non plus, ils n'ont pas parlé de ça. Imam Malik, puisque nous sommes tous d'Afrique du Nord, dans la grande majorité dans la salle, pas bah, ni dans le Muwatta, ni dans les paroles de ses disciples et de ses élèves, il y a une parole sur ce qu'on appelle le Maulid. Le Maulid va arriver vers l'aube du 4e siècle par les Ubaydiyoun. Ces Ubaydiyoun qui sont des Ba'athinis, la mécréance totale. Et pour s'accaparer de l'esprit du commun des musulmans, ils ont créé cette fête. Ils ont prétendu l'amour. Ah, du prophète, ils ont créé cette fête. Ils se sont lus de rester à s'appeler l'Ubaydiyoun par rapport à leur aïeul juif, l'Ubayd al-Qaddah, un nom comme ça. Ben, ils se sont donné le nom d'Al-Fatimiyoun par appartenance soi-disant à Fatima. Et ceci est faux. Et pour s'accaparer des communs des musulmans, ils ont prétendu, ils ont créé cette fête. Mais sans ça, ils étaient les pires ennemis de la sunna. Dans les annales de leur histoire et dans les pages noires que nous a tracé l'histoire sur l'Ubaydiyoun, ils arrivaient dans des endroits où ils trouvaient des cadavres de chiens ou de chats et ils les montaient comme forme de croix. Et quand quelqu'un veut rentrer à la mosquée pour prier parmi les gens de la sunna, lui insulte un compagnon pour qu'il puisse rentrer. Ainsi, c'est ceux-là qui nous ont laissé ça. Wa uridu min al-ikhwa al-aba truku 'atifatakum جانبا وقدموا شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآراء وعلى الأخبار وعلى الخسيسة والخسيرة وما وراءها. أيعقل إخوة الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، أم أمرنا بالعكس؟ ونسألكم من جانب الشريعة، اتركوا العاطفة جانبا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور وأمرنا بذلك الله سبحانه وتعالى، أم العكس؟ أم أن نخرج عليهم ونثور عليهم؟ أين هذه التورات وهذه المظاهرات من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن أمر الله سبحانه وتعالى؟ أيعقل إخوة الإسلام أن يقتل الإنسان نفسه بالنار ويعد شهيدا؟ أيعقل هذا؟ الله حرم قتل النفس، فكيف يعد من قتل نفسه وأحرقها بالنار شهيدا إخوة الإسلام؟ أين عقولنا؟ أين ذهبت عقولنا؟ فإن الله عز وجل جيب دو موند مانتنو لسي لي سونتيمون دو كوتي et faites prévaloir la sunna de votre messager, faites prévaloir la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites-la prévaloir sur le khassira, sur les opinions politiques, sur les idéologies de journalistes de gauche, de droite, sur les idéologies de fondateurs de groupes et ainsi de suite. Mettez tout ça de côté et mettez en avant la parole d'Allah et la parole de son messager. Est-ce que Allah nous a ordonné d'obéir, de lui obéir et d'obéir à son messager ou pas? Et dans le même verset, il nous a ordonné d'obéir au gouverneur. Hein? Est-ce que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous a ordonné d'obéir à nos gouverneurs ou pas? Ou il nous a ordonné de se révolter contre eux et de créer des révolutions contre eux et de créer la perturbation? Posez-vous la question. Ces manifestations, ces révolutions maintenant, soi-disant, par rapport à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, par rapport à la législation, c'est quoi? Ils sont conformes ou là ils sont en divergence? Est-ce que il peut rentrer dans la raison de quelqu'un? Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de tuer quelqu'un. Et qu'une personne se tue en se brûlant, il soit considéré comme martyr. Où sont parties nos raisons? Comment on raisonne? Où sont parties nos raisons pour gober ce genre d'ânerie? Où sommes-nous? Pourquoi tout se transforme comme ça? Pourquoi ce changement de la religion d'Allah et ce renversement? Le bien devient le mal et le mal devient le bien. Subhanallah. هذا المنكر يصبح معروف والمعروف يصبح منكر. كيف هذا؟ فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قائل: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، هذا الذي أقول أنا، الكثير يستنكرون ما أقول، ها؟ لأنه ليس ما تقوله رأي، يقوله الرأي والنزيل الزنقاء والصحافة، هذا لا تقول به، ها؟ ولكن أئمة الدين وأئمة العلم الذين لا يظهرون على الشاشة يقولون به، لأنه هو الموافق لشرع الله. رضي من رضي وسخط من سخط، ها؟ والله عز وجل وغادي سيت سيتياسيون ومانتنو اون في بريزونتي لو مال كوم لو بيان و لو بيان كوم لو مال. Mais ceci va de pair avec la parole du prophète qui a dit: l'islam a commencé étrange, il va se terminer étrange comme il a commencé. Hein? Regardez, le mal, on est en train de le présenter comme le bien. Et le suicide, on le présente comme le martyr, on change les noms, on défigure tout. Hein? Où sommes-nous? Où est-ce que nous allons comme ça? Hein? Il faut qu'on se réveille, ikhwat al-islam. Il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je dis apparaît étrange pour beaucoup. Mais si la réalité, les dînes de la communauté parmi les hommes de science, ceux qui conseillent, et ceux-là n'ont pas, hein, leur place, chez les télés, dans les télés, on les accepte pas, et eux-mêmes n'acceptent pas d'y aller. Hein? Ben ils disent ça, c'est leur voix. On peut pas changer la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Hein? Mais les idéologues, ceux qui veulent arriver à un but, ceux qui ont un intérêt, ceux qui veulent le poste, qui veulent la place politique, ben ceux-là, hein, ils vont avec le sens du Coran. Ils le suivent. Parce que c'est avec ça qu'ils vont arriver à leur intérêt. Akhal Islam tadhakkar an hubb Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam huwa ittiba'uhu wa huwa at-tamassuk bi sunnatihi wa 'adam mukhalafatihi. Et rappelle-toi, frère en Allah, Azza wa Jalla, que l'amour du prophète, alayhi wa sallam, c'est le fait de le suivre. C'est pas le fait d'être en divergence avec ses sunnah. Alaykoum salam. Tadhakkar akhal Islam. Man ahab Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana ma'ahu fil janna. Wa al-hubb yakunu bil ittiba'. En Allah Azza wa Jalla, rappelle-toi que celui qui aime le messager alayhi wa sallam, il est avec lui au paradis. Et l'amour du prophète alayhi salam se fait par le suivi et par le fait d'être conforme à la voix de ce messager alayhi salam. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala lahu mata as-sa'a? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma a'dadta laha? Qala la shay' illa anni uhibbu Allah wa rasulahu. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنت مع من أحببت؟ قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل عملهم. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحب كان عند أولئك هو الاتباع. والرجل وأنس قال أنا أحب النبي وأحب أبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل أعملهم. يقول ويعترف بأنه ليس عنده عمل كعمل النبي، وليس عنده أعمال كعمل أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الكبار. كان شابا صغيرا في خدمة رسول الله، قال هو بحبه لهم ولو لم يعمل مثل ما عملوا ولكن عنده أمال رضي الله عنه وارضاه. Et voici un homme, frère en Allah, Azza wa Jal, qui est venu vers le prophète alayhi salatu wasalam, il dit quand est-ce que l'heure va arriver, quand est-ce qu'il y aura l'heure. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure. Il a dit rien, sauf que j'aime Allah et j'aime le messager d'Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu seras avec ce que tu aimes. Faut pas croire que cet homme n'a pas d'actes. Si, il a des actes. Déjà, il fait partie de cette noble génération qui sont les compagnons du messager alayhi salatu wasalam. Hein? Déjà. Mais il a des actes. Mais, dans l'assemblée, il y avait Anas, qui était un jeune garçon au service du prophète alayhi salatu wasalam, ridwanullahi alayhi, il a dit, moi j'aime le prophète, j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, et j'espère être avec eux, par mon amour, par l'amour que j'ai pour eux. Même si je n'accomplis pas les mêmes actes qu'ils ont accomplis. Anas, il a des actes. Déjà, il est au service du prophète, alayhi salatu wasalam. Et après lui, hein, il a eu des actes. Et c'est un noble compagnon, ridwanullahi alayhi. Cela, c'est, l'amour, ce n'est pas une prétention. C'est aussi des actes. Mais il reconnaît qu'il n'a pas les mêmes actes qu'Abu Bakr, qu'Omar, etc. Il reconnaît. Hein? Donc l'amour, ce n'est pas une prétention. C'est un suivi, c'est une mise en application. وقال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وهو عند البخاري كذلك. هذا رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا رجل يحب رجلا آخر على عمل الخير ولكن هو ليس عنده مقدرة لكي يعمل ما يعمل الرجل، ولكن هذا الرجل عنده أعمال ولكن لا يصل إلى ما يعمل هذا الرجل. هل أنا أحب على العمل الخير الذي يقوم به؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ما أحببت أهل الخير ها؟ فتكون معه. إيه أنه موسيكم اللي غابوك تشير إمام البخاري يا رسول الله لهم أم أن ندخل pour les bonnes œuvres qu'il fait, mais lui, il n'a pas les moyens, il ne peut pas les faire. Et il ne fait pas comme lui. Mais il fait des actes, mais il aime pour les bonnes œuvres qu'il fait. Le Rasoul a dit, tu seras avec ce que tu aimes. Tu seras avec ce que tu aimes. Imagine, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, et qui dit, il voit quelqu'un qui dépense pour les mosquées, etc. Il dit, si j'ai les mêmes moyens, j'aime cet homme pour le bienfait qu'il fait pour la communauté, pour le bienfait X, ceci, etc. Ah, mais il sera avec. Même s'il n'a pas cette capacité de le faire, et le moyen pour le faire. Mais lui, il fait, il a déjà des actes. Plus cet amour qu'il a, plus savoir, comme Anas et comme les autres compagnons, l'autre qui a dit, le premier compagnon qui a dit, j'aime Allah et j'aime le messager, alayhi salatu wassalam. Alors, quand on a l'amour d'Allah et du messager, on a le goût exquis de la foi. Ça veut dire que là, l'obéissance est facile pour la personne. De que cette personne accomplit les choses aisément et facilement. Hein? Combien il reste? Inch'Allah. وقال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم قال صلى الله عليه وسلم أنت يا أبا ذر مع من أحببت عليكم السلام قال أبو ذر فإني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت فأعاذها أبو ذر فأعاذه النبي صلى الله عليه وسلم ها هو عند أبي داود وفي صحيح أبي داود صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى ها أبو ذر de nous dire dans ce qui est authentifié par Cheikh Nasr رحمه الله عليه dans Sunan Abi Daoud dit يا رسول الله l'homme aime des gens mais ils n'arrivent pas à accomplir les œuvres qu'ils accomplissent. C'est-à-dire que déjà il accomplit des œuvres, mais il n'arrive pas à accomplir les œuvres de ceux qu'il aime. Il a dit, toi Abu Dharr, tu seras avec ce que tu aimes. Abu Dharr a dit, j'aime Allah et le messager d'Allah. Et il lui a dit, alayhi salatu salam, ben, tu seras avec ce que tu aimes. Abu Dharr a répété la même chose. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a répété la même chose. Et ainsi de suite. ثانيا من حب من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي أن يطيعوه في كل ما أمر وذلك لأمور لأن الله أمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم fait partie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, des droits du messager alayhi salatu wassalam sur cette communauté, c'est qu'ils lui obéissent. Pourquoi? Pour beaucoup de choses. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le fait d'obéir à ce messager alayhi salatu wassalam. Allah il l'a ordonné dans maintes versets. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez. Dans l'autre verset, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux qui vous gouvernent. Et ici, ceux qui vous gouvernent sont de deux catégories de personnes. Les hommes de science dignes du nom et les gouverneurs. Hein? Inch'Allah, on reprend après Salat l'Isha, Inch'Allah, bi'idnillah. On arrête là pour l'instant. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaykum. Wa jazakumullahu khairan.